Ce que la Pologne fut en politique, la plupart des Polonais le sont dans leur vie privée, surtout lorsque les désastres arrivent. Ainsi, Wenceslas Steinbock, qui depuis 3 ans adorait sa femme et qui se savait un dieu pour elle, fut tellement piqué de se voir à peine remarqué par Madame Marneff qu'il se fit un point d'honneur en lui-même d'en obtenir quelque attention. En comparant Valérie à sa femme, il donna l'avantage à la première. Hortense était une belle chair, comme le disait Valérie à Lisbeth, mais il y avait en Madame Marneff l'esprit dans sa forme et le piquant du vice. Le dévouement d'Hortense est un sentiment qui, pour un mari, lui semble dû. La conscience de l'immense valeur d'un amour absolu se perd bientôt, comme le débiteur se figure, au bout de quelque temps, que le prêt est à lui. Cette loyauté sublime devient en quelque sorte le pain quotidien de l'âme, et l'infidélité séduit comme une friandise. La femme dédaigneuse, une femme dangereuse surtout, irrite la curiosité comme les épices relèvent la bonne chair. Le mépris, si bien joué par Valérie, était d'ailleurs une nouveauté pour Wenceslas, après 3 ans de plaisir facile. Hortense fut la femme, et Valérie fut la maîtresse. Beaucoup d'hommes veulent avoir ces deux éditions du même ouvrage, quoique ce soit une immense preuve d'infériorité chez un homme que de ne pas savoir faire de sa femme sa maîtresse. La variété dans ce genre est un signe d'impuissance. La constance sera toujours le génie de l'amour, l'indice d'une force immense, celle qui constitue le poète. On doit avoir toutes les femmes dans la sienne, comme les poètes crottés du XVIIe siècle faisaient de leur Manon des Iris et des Chloé.